Bonjour tout le monde, welcome to French Pod. I'm Erica. Salut à tous, je m'appelle Amaury. Intermediate lesson, and it's about shopping. Voilà, cette leçon intermédiaire se déroule dans un grand magasin. At a certain time of the year, at Christmas time, people are shopping. Voilà, nous sommes au mois de décembre. And it's horrible. Comment tu peux le savoir? Well, because I know it's always like that. It's crazy, it's crowded, ah... We're going to join a couple who are experiencing that right now. C'est vrai. Maybe you could give us some word that we're going to hear in the dialogue before we hear it, Omri. Un rayon. That means an aisle, like in the store, like men's shirts aisle. Comment est divisé un magasin, les différents départements et les rayons. Okay, let's listen. Pourquoi on s'arrête au rayon peluche? Il nous reste juste à trouver un cadeau pour ton neveu et nous sommes tranquilles jusqu'à l'année prochaine, d'accord? Tu rigoles? Tu penses qu'il veut une peluche? Il a 16 ans quand même! On s'en fout, c'est ça ou rien. On a fait tout le magasin deux fois, je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Mais si on retournait en vitesse au rayon informatique? Regarde ce monde, c'est de la folie! Ça va nous prendre 2 heures pour y arriver. Ne t'énerve pas chérie, j'ai une idée. C'est la queue aux caisses qui va prendre 2 heures. Alors, mets-toi dans la file. Je vais vite au rayon informatique chercher le cadeau et je te rejoins. Comme ça, tout le monde est content. Surtout mon neveu. Il l'a échappé belle, son neveu. Yeah, he's lucky. Ouais. What would he have gotten? Une peluche. A stuffed animal. Voilà. And so the husband wants to know why on earth they are in that rayon. Oui, il lui demande pourquoi on s'arrête au rayon peluche. Yeah, this doesn't seem like a place we would need to nous arrêter right now. So what are they doing there? We're around the peluche. Parce qu'il leur reste juste à trouver un cadeau. Well, that's good. C'est une bonne chose. Yeah, when il me reste juste à trouver un cadeau, Christmas time, I'm feeling much better. Who's it for? Pour le neveu du mari, enfin de l'homme ici. Le neveu. Oui. The son of your brother's sister. C'est ça. Il reste juste à trouver ce cadeau pour ton neveu. And then, et après... Nous sommes tranquilles jusqu'à l'année prochaine. Tranquille. Tranquil. In French, you guys use it a lot. It means... En paix. Yeah. Then we'll be in peace jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Nous serons tranquilles. Ouais. D'accord? She's not interested in this conversation. Ouais. Elle est sur les nerfs. A little, yeah. Ouais. D'accord. But no matter how bad his wife is getting a little irritated and he would like to leave, he's not going to be able to say, okay, you must be kidding. Tu rigoles? You really think mon neveu, il veut une peluche? Well, that seems like it could be a nice gift for a nephew, for a neveu. Bien sûr, s'il n'avait pas 16 ans. Someone of that age of 16 ans, probably not going to dig that gift. Did she see reason? Pas vraiment. Elle n'en peut plus. Elle dit, on s'en fout. So it's not that she didn't realize that before, it's just she doesn't care. Ouais. On s'en fout. It's a reflexive verb. Oui. So like if I want to say I don't care, je m'en fous. Here, both of them, on s'en fout. On s'en fout. Now, about this expression, it's very high frequency. Totalement. The thing is, it's a little controversial. Un petit peu. Certaines personnes ne seraient pas contentes de l'entendre. Some people would say it was vulgar. Other people are like, no, you say this all the time. You can't speak French if you don't know how to say this. Tout à fait. Moi, je ne trouve pas ça vulgaire. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, toi aussi. But I remember several years ago, I said it to a teacher and she seemed really shocked. But I think it's kind of like, you know, in English, we have the word sucks. That sucks. They used to be really vulgar about 10 years ago. Now, though, it's not so much anymore. I think this maybe used to be vulgar, but it's not anymore. Oui. The thing is, you're going to hear it a lot, so you have to know how to... What exactement. Or we wouldn't be doing you justice to not teach it to you. Voilà. So, elle s'en fout, c'est ça ou rien. Does he want a gift? Well, then I guess he's going to have a peluche. Because c'est ça ou rien. Elle s'explique, parce qu'elle dit, on a fait tout le magasin deux fois. Faire tout le magasin. Qu'ils ont visité... Tous les étages, ils sont allés dans tous les rayons. You've been through the whole store. Ouais. On a fait tout le magasin, not just once. Ils ont tout vu. Deux fois. Deux fois en plus. En plus. You can understand why she says... Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. She's not kidding. Je n'en peux plus. Really good to learn is a fixed expression. I'm over it. I can't. I really cannot. Je n'en peux plus. I cannot stay here one more second. Je n'en peux plus. Tout à fait, ouais. Je l'utilise souvent. I'm at my breaking point. Je n'en peux plus. He understands and everything, but at the same time, he's not really going to give son neveu de 16 ans une peluche for Christmas. Alors, il a une proposition à lui faire. il lui dit « Mais si on retournait au rayon informatique ?» Rayon, oui, he learned before, but this time, which rayon ? Le rayon informatique. Informatique is the way you just talk about computers. Voilà, c'est... It's really the computer rayon. Oui, c'est tout ce qui concerne les ordinateurs. Dans les magasins, there they have les rayons informatiques, and he proposes to retourner là-bas. But he knows she's probably getting mad, so he adds a little... En vitesse. En vitesse. Real fast. Won't take long. En vitesse. Right. But, you know, she's not buying that. It's gonna even be possible to do en vitesse. Regarde ce monde. A million people. Ouais, ça ne marche pas. Enfin, elle dit c'est de la folie. It's madness. It's crazy here. It's a madhouse. C'est de la folie. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Les grands magasins, à cette période-là, c'est de la folie. It's terrible. Ouais. Et alors, pour arriver au rayon informatique, elle pense que ça va leur prendre 2 heures. It's maybe a little exaggerated. Petit peu, quand même, mais... I mean, how big is the store, really? She says, ça va nous prendre 2 heures pour y arriver. Because the E crack... désigne l'endroit, le rayon informatique. Yeah, means there. Oui. Pour y arriver, ça va nous prendre 2 heures. C'est de la folie. Et je n'en peux plus. Et je m'en fous. Et on s'en fout. But, you know, he's pulling for his neveu here. He finds a way. Ouais. He's like, look, just calm down. D'abord, il commence en disant, ne t'énerve pas, chérie. Calm down, don't worry. Ne t'énerve pas, chérie. Because il a une idée. D'abord, c'est la queue au caisse qui va prendre 2 heures. So cash registers, where you pay for your stuff that you buy, are... les caisses. And you usually have to stand in line there, though. Et ça, c'est la queue. Okay, so la queue aux caisses. C'est elle qui va prendre 2 heures. Alors? Alors il lui dit, mets-toi dans la file, moi je vais vite au rayon informatique chercher le cadeau. Et ensuite je te rejoins. And then they save time, they kill 2 birds with 1 stone. He tells her to mets-toi dans la file. Oui. Se mettre dans le fil is oui. To get in line. Voilà. Can you say se mettre dans la queue? Oui. Okay, same thing. C'est deux mots qui désignent la même chose. Okay, la queue, la file. Oui. And both of them, you se mettre dans... Oui. And you attendre. Si on a du courage, ouais. Right. And meanwhile, il va rayon informatique. Chercher le cadeau. Et... il la rejoint. And comme ça, tout le monde est content. And then he walks away and whispers... surtout mon neveu. Le garçon de 16 ans prefers something from the rayon informatique for sure. Ouais. Ok, let's listen to the dialogue one more time. Pourquoi on s'arrête au rayon peluche ? Il nous reste juste à trouver un cadeau pour ton neveu et nous sommes tranquilles jusqu'à l'année prochaine, d'accord ? Tu rigoles ? Tu penses qu'il veut une peluche ? Il a 16 ans quand même. On s'en fout. C'est ça ou rien. On a fait tout le magasin 2 fois, je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Mais si on retournait en vitesse au rayon informatique ? Regarde ce monde, c'est de la folie. Ça va nous prendre 2 heures pour y arriver. Ne t'énerve pas, chérie. J'ai une idée. C'est la queue aux caisses qui va prendre 2 heures. Alors, mets-toi dans la file. Je vais vite au rayon informatique chercher le cadeau et je te rejoins. Comme ça, tout le monde est content. Surtout mon neveu. So this time of the year with the shopping, it's crazy, huh? C'est de la folie, non? Tout à fait, Erika. Moi, j'essaie d'éviter les grands magasins. À ce moment-là, je reste tranquille chez moi. So when do you buy people's gifts? Je m'en fous. Non, j'exagère, mais j'essaie d'aller dans des petits magasins. Peut-être qu'il y a moins de monde. Right. So the shops in France at this time of the year are just as busy as everywhere else? Oui, tout à fait. Et je dirais même à Paris, sont peut-être même encore un peu plus remplis. Why? En tout cas, je sais qu'à Paris, spécialement, les gens attendent la dernière minute. Okay. So a bunch of procrastinators. Oui. So if you go at the beginning of the month, you'll be okay. Ouais, franchement, début décembre, ça irait encore. Mais mi-décembre, c'est de la folie. So do the French give a lot of gifts? Like, do you give gifts to everyone or just to close people? On donne des cadeaux aux gens qui viennent à la fête. Oh. To the house, like on Christmas Day and stuff? Voilà. So you would have gifts for anyone who would come that day? Ouais. That's why they are buying some for le neveu. Surtout les enfants, ouais. Okay. Would you get stuff for like your coworkers and stuff? Je vois où tu veux venir. Bon, pour mes collègues de travail, je leur achèterai un petit quelque chose en vitesse. No, but would you really? You do give gifts to coworkers and friends? Non. Okay, mostly non. Family. Voilà. All right, well, I hope that if you have to do some Christmas shopping this year, that you get it done early and you don't have to experience la folie these people did. En tout cas, si vous vivez la même expérience, ne vous énervez pas. Just be tranquille. Mettez-vous dans la queue. Faut être patient. Gardez le sourire. Because... after. Vous êtes tranquille jusqu'à l'année prochaine. So, good luck. In the meantime, come check out FrenchPod.com too. Oui. Okay, see you there. Merci. Au revoir. Au revoir.